attends le camembert, presse avec les doigts, attends le feu vert, puis jette-le sur moi, tu le lances trop fort, je tombe à l'envers, je suis presque mort, et les quêtes vers en l'air, cours au magasin avec tes parents, si t'as le nez fin, ce sera marrant. Cherche les fromages, choisis le plus rond, avec une image qui te dit c'est bon. Prends le camembert, presse avec les doigts, attends le feu vert, puis jette-le sur moi. Tu le lances trop fort, je tombe à l'envers, je suis presque mort, et les quatre fers en l'air. Rentre à la maison si tu n'as pas peur, mets le fromageon au radiateur, blottis bien au chaud, après 15 jours, il sera tout beau, prêt pour le grand jour. Prends le camembert, presse avec les doigts, attends le feu vert, puis jette-le sur moi. Tu le lances trop fort, je tombe à l'envers, je suis presque mort, les quatre fers en l'air. S'il a disparu, ne t'inquiète pas, c'est qu'il a fondu par-ci et par-là. Tu pourras demain tout recommencer, si tu es malin, tu vas t'amuser. Avec les doigts, attends le feu vert, oui jette-le sur moi, tu le lances trop fort, je tombe à l'envers, je suis presque mort, et les quatre fers en l'air, prends le camembert, presse avec les doigts, attends le feu vert, oui jette-le sur moi, tu le lances trop fort, je tombe à l'envers, je suis presque mort. Les quatre fers en l'air. Ah ben flûte alors. Il est ridicule, hein.